C'est Wanted Jul. La crise au mic, mec. Les putes me rient, on est quoi camion, on est pas bien de se montrer pour voir qui on est. J'suis pas de meilleur, plein de mon ayant. J'ferais tout pour mettre ma main dans un yacht. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton équipe? Putain, j'ai plein d'affaires avec ton équipe. Que tu voles, ouais, j'vois les pitres. Règle tes comptes avant de parler chiffres. Y'a pas de easy, easy, pas le temps clash, moi j'suis trop pressé. Quand y'a perquis ici, deux jours avant, les darons sont stressés. Que des victimes, plein de manies. En ce moment, check, c'est la guerre comme au Mali. On fout les boules comme on arrive. T'as trahi, t'es un peu comme mon ami. Trop technique, un peu comme Nani. Petit clip sur Better Money. Tu parles, tu m'as pas sali. Trop vénère, surveille ta mamie. Au secteur des civilia. Des gros joints jeunes et des joints d'IA. Un 3-5, c'est genre la pointe en TBDH, en TBIA. J'envoie le sang pour le kit, nap. Ne teste pas, fais qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne. Envoie le sang pour le kit, nap. Ne teste pas, fais qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne. Mon cousin, tu parles de moi. Tu commences le rap y'a 6 mois. Bonne casquette à l'envers. La bille ne fait pas le moine. Moi, viens chez moi, y'a les petits bouts chinois. On t'accueille à bras ouverts, on te bouge jusqu'à la moine. C'est quartier, chantier, braquage, TN, RS4, chômage, poursuite ADN. Marseille, oseille, été, gazelle, grossis, grossesse, essaye. Parloir, mandat, mais la jupe, madame, avocat, condamne, bavure, médaille, fracture, darouille, qui tarde, dur, braquage, tambu, que ça rôde et ça fume. H24 à l'affût, ce qu'on recherche, nous c'est la maille. Arrête de faire le superman, je vais te faire superman. Je parle pas trop dans le vent, négro, prends tes devants. Gauche, droite, gauche, dans le vent, je vais te casser les jambes. Envoie le sang qu'on le kidnappe. Ne teste pas, c'est qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne. Envoie le sang qu'on le kidnappe. Ne teste pas, c'est qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne. Envoie le sang qu'on le kidnappe. Ne teste pas, c'est qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne. Envoie le sang qu'on le kidnappe. Ne teste pas, c'est qu'une petite frappe. C'est Jul qui dose mon tête qui frappe. Y'a plus des gains quand on les gagne.